Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec Free Friends. Free Friends, c'est 6 musiciens de haut calibre, dont 2 ex-membres de Gentle Giant, qui revisitent le répertoire de ce prolifique groupe phare des années 70. Le 2 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Free Friends. Détails au palaismontcalm.ca. Le 27 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la cité Limoilou Sport Expert vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Réservez votre dimanche le 27 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. La course de la cité Limoilou Sport Expert vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, courseapied.ca, la pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, amateurs de rock progressif. Bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, on est avec vous pour 2 heures pour un paquet de bonne musique rock progressif, beaucoup de disques récents, des nouveautés, dont le nouveau Riverside qui sont actuellement sur la scène de l'Impérial Belle à Québec. Un groupe de la Pologne, leur première visite et leur ils viennent de faire paraître leur nouvel album Love, Fear and the Time Machine. C'est un album, c'est leur sixième, ouais, depuis 2003. Alors quand l'émission a débuté, Terra Incognita, c'était pas mal les premières pièces qu'on faisait jouer. On l'a fait jouer à la dernière émission. On se fait signe, moi puis Bruno, on se dit oui, Riverside. Hein. Alors, c'est un groupe de prog metal de la Pologne, sauf que sur ce dernier album-là, là, c'est pas du tout du prog metal. Là, vraiment, il y en a qui vont probablement pas aimer du tout cet album-là, d'autres pour qui ça va être leur préféré. On se croirait dans Porcupine Tree par endroit. C'est un album beaucoup plus doux, si on veut, oui. Moderne un peu, peut-être, mais il n'y a pas le côté metal. À peine, on entend les guitares, oui, qui sont... on reconnaît leur son, mais c'est vraiment différent. Donc, on ira de la pièce Addicted sur cet album-là, donc Riverside, et on enchaînera avec un groupe de Belgique. C'est une découverte qu'on a fait grâce au magazine Progressiste, magazine de la Belgique, et d'ailleurs, The Abelians, c'est le nom du groupe. C'est un groupe de la Belgique. Ils ont fait paraître un premier EP qui est distribué sur Musea, l'étiquette de disque. C'est un EP de 3 pièces. Et c'est un groupe qui roule depuis bon, depuis 2010, qui ont fait... ils font des spectacles, ça dure une heure et demie, ils ont plein de compos. Non, mais là, il y a seulement 3 compos sur ce premier EP. Et on ira donc avec la pièce Evil Talk de Abelians. Là-dedans, il y a une chanteuse d'opéra. Puis sinon, le son du groupe, là, c'est plutôt assez rock des années 70, prog. Un mélange de classique aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant à découvrir. Donc, des Abelians. Et ensuite, on aura Ecolin aussi tiré de leur nouvel album. Un deuxième extrait, l'album I Heard You Listening, et ce sera la pièce War Jazz. Et enfin, ben, on a Argos, qui est un groupe l'Allemagne, voilà. L'Allemagne, c'est leur 4e album, Seasonal Affair, c'est leur meilleur, à mon avis, jusqu'à maintenant. Et leur premier est en 2009. Et il y a 2 pièces supplémentaires à la fin de l'album, dont des pièces de leur premier disque, dont la pièce Killer qu'on attendra. Donc, dans ce premier bloc-là, comme je vous disais, il y a Riverside. Ensuite de ça, il y a The Abelians. Il y a Ecolin et on aura Argos. Alors, on y va tout de suite avec Riverside. Such a bigger, than the armies that are outside. I've got plans that suffocate, and I don't really care. I feel like war jazz with a nod to the nun, cause everyone pulls that spill together into the burn, together all alone. I need

Réservez votre dimanche le 27 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. La course de la Cité Limoilou Sport Expert vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, courseapied.ca, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Et de retour avec Bruno et Marc. Alors, ben, ce qu'on a entendu, on vient juste d'entendre une pub là, sur Three Friends. Là, je vous invite à aller voir ce spectacle-là le 2 octobre au Palais Montcalm. C'est sont super bons, hein. Il y a deux membres originaux qui ont joué dans la formation, Gary Green en particulier à la guitare, puis c'est vraiment le fun d'aller voir ça pour tout amateur de prog. Également côté un peu plus musicien relié au prog, Flying Joe. Il y avait Jean-François puis France qui en ont parlé. Ils vont être le 6 octobre, c'est un mardi, un 6 à 8, au Cécile et Ramon. Ça, c'est le restaurant-bar du Harley Davidson. C'est ça, sur Pierre Bertrand. C'est ça. Donc, il y a des musiciens de Montréal qu'on connaît bien, Sid et Jean-François, je crois, qui jouent dans ça, donc Flying Joe. Allez voir sur leur site, puis vous pouvez vous inscrire pour aller voir, puis vous allez pouvoir procurer leur nouvel album. Ensuite de ça, ce qui a été, au mois d'octobre, le 23 octobre, il y a Saga, puis en première partie, il va y avoir Inner Odyssey. Puis justement, on aura une pièce de Inner Odyssey là, dans le prochain bloc, là, pour souligner ça. Vous savez que ils sont venus en entrevue, ils ont leur nouvel album Ascension, et c'est un super bon album, franchement, là. Inner Odyssey, c'est un des bons groupes actuels là, dans le rock progressif à Québec. Le 29 octobre, au Centre d'art La Chapelle, il va y avoir Mystery, et Mystery qui travaille sur leur prochain album qui s'intitulera Delusion. Ils sont actifs sur ça. On a au mois de novembre au Palais Montcalm, PFM, avec les 40 ans de PFM qui viennent nous visiter pour la troisième fois en carrière, ce groupe italien légendaire des années 70. Et parlant de légendaire, il y a les King Crimson, mais c'est à guichet fermé, donc j'espère que vous avez vos billets. Les 13 et 14 novembre au Palais Montcalm, on a pas mal de bons shows prog qui s'en viennent. Alors, si on regarde un peu ce qu'on avait écouté, ça s'était terminé par Argos, de leur plus récent album, et c'est une pièce qui a été refaite, la pièce Killer, qui était sur leur premier album à l'origine, 2009, qui a été refaite là en 2015 version. Et ben maintenant, ils sont rendus quatre. Donc, il y a les deux membres principaux qui étaient là depuis le début, puis Thomas Klarman et Robert Gosen. Il y a maintenant aussi Ulf Jacobs au batterie et Rico Florjack au guitare, mais il y a sur ça des invités spéciaux, Andy Tillison au clavier, il y a un autre claviériste, Thilo Braus, et Marek Arnold au saxophone. Ben, c'est leur album le plus réussi jusqu'à maintenant. Moi, je trouve, j'adore cet album-là. Un de mes préférés de ceux qui sont sortis cette année, mais il y en a plein de bons, donc Inner Odyssey, d'ailleurs, et d'autres qui sont vraiment intéressants. On aura dans le prochain bloc, donc, on débute avec Alco Frisbass, que j'ai découvert également grâce à la revue Progressiste, le numéro 81. Il y a une petite compilation qui vient avec ça. C'est un groupe français, c'est instrumental, c'est style Canterbury. Le son d'orgue est waouh, génial. Des fois, il y a un peu de vocalise, il y a du violon. C'est super bien arrangé, c'est instrumental. J'adore cet album-là, un album éponyme. On ira donc avec la pièce La danse du pantin de Alco Frisbass. Ensuite, Inner Odyssey, tiré d'Ascension, on aura A World of My Own, et ensuite un extrait de l'album de Stuart Bell. Stuart Bell qui était dans Citizen Kane, c'est le claviériste, et son premier album paru en 2014, The Empty Chamber of Being, dans lequel il y a Simone Rossetti qui chante de The Watch, il y a de Ariane Arjanukasen et d'autres superbes musiciens, puis c'est un style d'opéra rock vraiment, vraiment réussi. On aura une bonne partie de ça, mais d'abord on y va en musique avec Alco Frisbass. Thank you. mesmerized by the vastness of your realm. Come to me, sunlight, lost in your reflections, bewildered by the farthest of your reach. Comes a time of awakening and self-realization of the infinity that stretches up above and all around.

engagé Simone Rossetti. Oui, ah oui, ah oui, oui, comme chanteur, ouais, c'était le fait, ouais. Hein? Moi, je... C'est vrai que j'avais pas pensé que Steve Hackett aurait dû. Mais il pourrait toujours. Non, lui, il est trop tard. Là, Il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard, ça pourrait être intéressant. Mais vous dites c'est une belle réussite, moi, je trouve. Ce disque-là, il passait un peu inaperçu. Oui, absolument. Puis c'est vrai que c'est un peu métal par bout, mais pas beau. C'est plus opéra dans le fond. Puis les jeux de voix, moi je trouve ça bien bon. Puis non, très dynamique, belle réussite. Ouais. Oh, oui. Ben t'en avais fait jouer la première fois que ça remonte il y a un an et quelques là parce que c'est... déjà. Oui, c'était en 2014 hein, qui a fait apparaître ça. Mais puis, ça m'avait tout de suite accroché. Puis j'ai fini par en particulier avec la voix de Simone Rossetti, là, que quand on aime The Watch, on se dit, on a le goût de jeter une oreille. Surtout qu'on l'entend dans un contexte différent. Absolument, oui. Ouais. Moi aussi. Oui. J'ai hâte à Part 2. Puis, pour mon prochain bloc, il y a un groupe que tu nous avais invité à la convention l'année passée, Unreal City. Ça a été une révélation, je pense. Puis là, leur deuxième album, au début, quand je l'ai écouté, je veux t'avouer que j'étais un peu réticent. Je me disais, il est moins bon que le premier et tout ça. Mais là, je l'ai réécouté récemment, puis j'étais là, waouh, il est donc bien. Non, je suis pas d'accord. Il est meilleur, finalement. Oh, oui, il est meilleur que le premier. Puis là, j'ai réécouté récemment, là, je me suis dit, mon doux, mais c'est donc bien bon du début à la fin, là, c'est waouh. Oui, j'ai une pièce de ça, Il Paese del Tramonto, hein. Oui, je pense que comme toi aussi, tu trouves meilleur, même si le premier, on l'avait, waouh. Oh oui, mais je pense que, en tout cas, j'ai été comme toi au début, j'ai écouté, puis je me suis dit, puis là, finalement, je suis revenu, puis je dis, non, j'étais à côté de la coche. Oui, c'est comme si on le trouvait un peu plus classique, un peu. C'est ça. Ouais. Sans savoir que tu venais, là, j'avais préparé un duo italien, un double italien avec Alex Carpani, que tu as également fait venir il y a 4 ans, je pense, oui. Avec Four Destinies, puis là, il y a même David Jackson de Van der Graaf qui joue avec lui sur cet album-là, fait que ça ajoute, hein? Oui, puis ils font beaucoup de choses ensemble aussi. Là. Oui, ils font un hommage à Van der Graaf en particulier. C'est ça. Je serais curieux. Oui, quand même, mais je pense que le matériel original... Je pense que je préfère... Oh oui, le disque... À des covers, là. Je trouve que il y a une bonne... C'est une bonne coche au-dessus du premier. Du premier, là, ouais. Ouais. Surtout le premier, parce que le deuxième est très bon, Sanctuary. Ça faisait quand même plusieurs années qu'il avait fait paraître ça. Bon, ben oui, c'est ça. Moi, je te propose un petit... Un doublé. Doublé italien. acqua la sua immagine vista solo dalla luna, mentre gli ultimi rintocchi di campane andavano perdendosi in quell'immenso vuoto che rideva come un assassino, come me, come tutti gli altri, ripeteva i sacerdoti del tramonto che sempre il male si annida negli anfratti, diamanti andate, sirene urlanti, oscenità dal mondo nuovo, anfratti grigi come schermi di pietra, come i chiodi che mi legano alla croce. We'll be right back. Crabs and rocks, be that my name and age. And spawn, don't leave, don't eat, don't die. The river moves, the time and flows ahead. My legs into the river till the blue and icy water hits my muscles, and my skin is getting white and hard like marble. A caress which I now feel deep in my bones.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec Free Friends. Free Friends, c'est 6 musiciens de haut calibre, dont 2 ex-membres de Gentle Giant, qui revisitent le répertoire de ce prolifique groupe phare des années 70. Le 2 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Free Friends. Détails au palaismontcalm.ca. Le 27 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la cité Limoilou Sport Expert vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Réservez votre dimanche le 27 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. La course de la cité Limoilou Sport Expert vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, courseapied.ca, la pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Oh! Alors, Michel, toujours... toujours présent. Toujours bien présent. J'essaie. C'était une bonne pièce, hein? C'était du bon rock progressif. C'est vrai qu'Alex Carpani, sur cet album-là, oh, oui. Surtout cette pièce-là... puis avec David Jackson, des vieux fans comme nous. Absolument. C'est difficile de ne pas craquer. Oui, là, tu proposais pour le prochain bloc une belle grande pièce de Beardfish, leur plus récent, Plus 4626 Comfort Zone. Ça, c'est. Oui. Ça aussi, c'est un album qui a beaucoup de matériel dedans. Il faut l'écouter. Le titre est assez étrange. Oui, là. Absolument. Mais c'est l'indicatif là, de leur. C'est l'indicatif de la Suède, plus le numéro. Ça a rapport avec leur ville. Ah. Galvé. Je te dis ça de même en passant. Je me suis posé la question. Ben, je me dis, qu'est-ce que c'est. Le fils qui était déjà venu d'ailleurs à la convention aussi. Ça décapait. Hein? Ouais. Parce que les gens n'avaient pas été déçus. Hein? Non, toute une énergie là, quand il embarque sur scène. Mais c'est parce que ces gars-là sont tellement versatiles. C'est le leader. Là. C'est tellement incroyable, là, que ce soit à la guitare, au piano, peu importe. Ouais. C'était l'inspiration. Là. Puis ça passe là, de quasiment soul au prog, puis après ça, c'est jusqu'au quasiment là, aux dettes là, avec des grognements puis tout. Non, c'est du beau talent. Là. Sauf que moi, ce soir-là, je t'avoue que je trouvais que c'était quasiment rendu radioactif à un moment donné. Là. OK. C'était fort. Oui, monsieur. C'était fort. Et puis, là, c'est ça, le technicien me disait qu'il avait perdu le contrôle, dans le sens que c'est eux autres qui ajustaient le rempli. Donc, à partir de ce moment-là, lui, le gars à console, il perd le contrôle. Il perd le contrôle un peu, là, ouais. C'est ça. Et lui, il a décidé de grimper ça de son côté. Ça a été un concert mémorable. Et d'ailleurs, leur gérant de tournée m'avait dit que le concert à Terra Incognita avait été un des meilleurs concerts de Birdfish. Ouais, C'est ce que les gars ont dit après. Oui, il y a une belle ambiance. Puis lui aussi, parce qu'il en avait vu comme plusieurs. Là, puis c'était la même affaire. Il me disait, c'est un de leurs très bons concerts. Ah, ben super. On va écouter une longue pièce donc, de cet album-là. Puis après ça, bon, probablement une pièce de... On va regarder quelque chose de plus... Anima Morte. Hein, on va rester aussi dans la Scandinavie, là, avec Anima Morte. Puis on verra après. Hein. Mais allons-y d'abord avec cette grande pièce de Birdfish. Le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita avec Marc, Bruno et Michel jusqu'à minuit. She still thinks about him from time to time. It can be just a familiar feeling running through her. What would he have thought about this and that? Once upon a time, he made her heart beat faster. Now he's more of a ghost who haunts her, and her husband can never know. Even with the new life that grows inside her, she still thinks about him from time to time. 10 years have passed since they lived together, living through the trials of figuring out that they were no good for each other. His love was dark and made hers darker. The kind of violence that leaves no bruises sings like when a hammer hits steel and resonates along her spine. Now he's more of a ghost who haunts her, and her husband can never know. Even with the new life that grows inside her, she still thinks about him from time to time. For him in some funny way. gather my thoughts. I cry while they align. All play their part in the crime. Creeping and crawling, soon we stand. A circle of candlelights. He wasn't dead, he wasn't there, it wasn't him no more. Couldn't speak from all the pills he'd swallowed. The sight of his harrowed face could have made her sick. When she sat by his side, holding his hand, the only words she could decipher were, lost his mind and he said it was because of her. She looks into her newborn daughter's eyes. She still thinks about him from time to time. We'll be right back. Thank you. ventana solo fa sparsi il suono dei passi che mi porta via via. Vestiti di lei in cerca della tua che non c'è. Giocati i tuoi trucchi, mercante di fumo negli occhi. Michel, c'est du Tim Bonus. Le collaborateur de Steven Wilson pour No Man. Il a fait quelques disques solo, il a arrêté, mais là, je pense que ça, c'est 2014, celui-ci, là, Abandoned Dance Hall Dreams. Puis il en a sorti un dernièrement.